Eh oui, c'est une triste réalité. L'essence s'émousse avec le temps. Et ça, on ne peut rien y faire. Heureusement, on ne s'en rend pas compte, car c'est très progressif. Si votre grand-père pouvait vous prêter ses oreilles, vous seriez stupéfait d'entendre la différence. Mais ce n'est pas possible. Attendez un peu. Je suis en train de vous dire des bêtises. Aujourd'hui, grâce à la magie de l'électronique, on peut tout simuler. Alors, prêt pour une descente aux enfers? Écoutez bien, voilà un petit extrait musical tel qu'il est perçu à 20 ans. Et maintenant, à 40 ans. Vous avez senti? Les aigus commencent à se faire la malle. C'est encore plus flagrant à 60 ans. Écoutez. Déprimant vraiment. Et s'il n'y avait que les aigus qu'on captait mal, mais non. En plus, le volume sonore qu'on perçoit nous paraît faible, très faible, comme si l'on avait un casque sur la tête. Tenez, vérifiez avec ces deux extraits à 20 ans, puis à 60 ans. Eh oui, le constat n'est pas rigolo. La vieillesse, c'est une vraie purge pour les oreilles. On commence d'abord par entendre de moins en moins bien les sons très aigus. Et puis, le volume perçu diminue. Mais pourquoi doit-on subir ça? Eh bien, ce sont encore ces fichues cellules ciliées qui en sont la cause. À notre naissance, le nombre de ces cellules est fixe. En vieillissant, on en perd. C'est l'usure normale de la machine auditive. Comme l'on ne dispose pas de pièces de rechange pour la remettre à neuf, le résultat, vous l'avez entendu. Et c'est pour tout le monde pareil. Vous vous dites peut-être, à quoi bon faire attention au volume de son baladeur alors? Mauvais calcul! Vous risquez de vous retrouver avec l'audition d'un sexagénaire de 40 ans. L'horreur!